franceinter.fr. Bonsoir. Dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, 1792, la comédie française dans la Révolution. Ce soir, je vous emmène dans les coulisses de la comédie française. Pas au Palais Royal où elle est située aujourd'hui, mais sur l'autre rive de la Seine, près du Faubourg Saint-Germain, dans le théâtre qui depuis s'appelle l'Odéon. Nous sommes en 1792. Dehors, depuis 3 ans déjà, la tempête de la Révolution n'en finit pas de gronder. Mais la comédie française, elle-même, n'y échappe pas. Tout le monde sait qu'en mai 68, les étudiants contestataires, Daniel Cohn-Bendit en tête, ont investi le théâtre de l'Odéon, transformant la Seine en immense AG et plantant sur son fronton des drapeaux noirs et rouges. Mais 2 siècles plus tôt, on le sait moins, le théâtre déjà fut au cœur de la Révolution française. Des loges recouvertes de tentures bleu-blanc-rouge, des spectateurs coiffés de bonnets phrygiens qui chantent et dansent sur l'air de la Carmagnole. Et aussi, nettement moins drôle, des comédiens furent arrêtés et menacés de la guillotine. C'est à travers l'histoire du jeune Quentin, personnage imaginaire, que ce soir je vais raconter celle de la comédie française dans la Révolution. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Hélène Tierchamp, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes historienne du théâtre et du cinéma, auteure de nombreux livres, parmi lesquels une grande histoire de la comédie française, une histoire méconnue. Alors, l'histoire, justement, que je vais raconter dans quelques minutes, commence à Paris en juin 1792. Avant d'en arriver là, pourriez-vous, Hélène Tierchamp, nous rappeler ce qu'est la comédie française à la veille de la Révolution ? C'est un théâtre qui est un théâtre sous le patronage des gentilshommes du roi. C'est un théâtre qui a été fondé par Louis XIV en 1680, par lettre de cachet, ça c'est très important. Louis XIV a décidé qu'il n'y aurait plus qu'une seule troupe à Paris qui aurait le monopole du répertoire français, c'est-à-dire que les autres troupes n'auraient pas le droit de jouer des pièces en français et des pièces modernes. Enfin, les premières représentations, c'est le monopole de cette comédie française. Et cette comédie française a été fondée par la fusion de 2 troupes, une troupe tragique et une troupe comique. La troupe comique était la troupe de Molière. Molière est décédé en 1673 et le roi décide de fusionner les 2 troupes, de n'avoir plus qu'une seule troupe qui va jouer le répertoire français en alternance, c'est-à-dire un soir il y aura une comédie, un soir il y aura une tragédie. Ce sont donc les mêmes comédiens qui jouent du comique et du tragique. Ils sont 27 comédiens et comédiennes, c'est ça ? Oui, plus des pensionnaires. Alors, ils ont un statut un petit peu particulier. Ça doit être la troupe d'excellence. Ils sont choisis par les gentilshommes du roi et par les autres comédiens. C'est un statut très, très particulier. Mais le roi approuve la nomination de ces comédiens et ils reçoivent de l'argent. Ils sont pensionnés par Louis XIV. Ça veut dire qu'à Paris, il n'y a pas d'autres salles, on ne peut pas monter des théâtres. Ah si, il y a d'autres salles qui jouent des vieux mystères, des farces, il y a une troupe italienne. Mais on ne peut pas jouer du Molière ou du Racine dans un autre théâtre que celui de la Comédie française. Non. D'accord. Alors, quel est le répertoire, justement, donc, les classiques Alors, ils jouent les pièces de Molière ou les pièces des succès d'années de Molière, d'autres comédiens qui eux-mêmes jouent et écrivent des comédies. Ils jouent aussi le Cid de Corneille, les Racines. En 1775, on crée quand même une pièce qui va avoir une grande histoire, Le Barbier de Séville de Beaumarchais, qui a un immense succès à l'époque. Oui. On est quelques années avant la Révolution. Oui, alors cette pièce ayant eu un succès inhabituel, Beaumarchais en profite pour écrire Le Mariage de Figaro, qui est une satire contre les gentilshommes, contre les privilèges, contre la collusion entre le pouvoir, l'Église, etc. Et cette pièce est interdite, puisque je vous ai dit, il faut que le roi, enfin les gentilshommes de la cour, approuvent la pièce. Louis, là, on est en 1784. 84. Louis XVI dit, si on joue cette pièce, autant démolir la Bastille. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Alors, les comédiens ont un statut assez particulier sous l'Ancien Régime, avec des droits civils très limités. Oui, ils n'ont même pas le droit, le droit de se faire enterrer religieusement. Ils sont des sous-hommes, ils se font enterrer en terre dans un cimetière, mais en terre non consacrée. Par exemple, l'enterrement de Molière a lieu de nuit, et dans un endroit du cimetière, c'est derrière Saint-Gervais, aujourd'hui ça a disparu, mais dans un endroit qui n'est pas béni par l'Église. Et ça, ça a duré jusqu'à la Révolution. Ça a duré jusqu'à la Révolution. C'est la Révolution qui va donner aux comédiens les droits civils. Et ce qui est amusant aussi de savoir, c'est que les comédiens n'ont pas le droit de vote. Ils ne vont pas voter pour les députés aux États généraux, mais ils vont quand même faire un cahier de doléances au printemps 89, 1789, dans lequel ils réclament ces droits civiques. Oui, vous insistez à un petit extrait dans votre livre, Hélène Tirchant. Il existe 2 ou 3 000 Français qu'une opinion bizarre rend étrangers au milieu de la patrie, des gens qui demandent à être comptés au nombre des sujets de la religion, des membres de la société, des contribuables de l'État. Et ce sont ces comédiens, pauvres comédiens, qui réclament le statut d'être comme les autres, finalement. Ah oui, mais avant la Révolution, Adrienne Lecouvreur, qui était une jolie jeune femme, c'était à l'époque de Voltaire, qui a créé les pièces de Voltaire, elle est morte à 30 ou 32 ans, et elle a été enterrée sur les quais de la Seine et dans un endroit où on a répandu de la chaux vive. C'est à peu près à l'endroit où il y a la Tour Eiffel, vous voyez. Alors le théâtre, donc, et singulièrement la comédie française, ne va pas échapper aux passions politiques, ni aux divisions de la société. Il y aura les royalistes, les modérés, les ultras, ni aux effets aussi de la censure non plus royale, mais révolutionnaire. Il y aura même des comédiens qui s'exileront, d'autres jetés dans les prisons de la terreur, voire guillotinés. Hélène Tirchant, nous nous retrouvons dans environ 30 minutes pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, 1792, la comédie française dans la Révolution, une fiction historique et romanesque écrite spécialement pour Autant n'importe l'histoire par Christian Vasselin. Innovation technologique, si vous le souhaitez, cette fiction peut également être écoutée en binaural avec un casque, en replay sur le site de l'émission. La réalisation est signée Sophie Haute-Picon. Quel beau soir d'été. Le premier soir de l'été de l'an de grâce 1792. Ouf, je ne suis pas malheureux d'enlever ce costume, de retrouver ma chemise de citoyen, comme ils disent. Quelle foule, ce soir. Cette jeune spectatrice, au premier rang, impassible, malgré les bravos, malgré la chaleur. La fraîcheur de la nuit, les statues mélancoliques au loin, la beauté des arbres. Heureux des privilégiés qui se contentent de quelques formes. Mais le Luxembourg, là-bas, est devenu une prison. Et la promenade des soupirs a été obstruée. Paris, depuis 3 ans, se grise de révolution. Ah, je suis un privilégié. Oui, je m'appelle Quentin de Villège. Combien de fois me l'a-t-on reproché? Je suis resté fidèle à ce Louis XVI qui n'a rien d'un tyran. Hier, sous la menace, il a dû coiffer le bonnet rouge et boire à la santé de la nation. Malheureux roi. Et notre comédie française n'est-elle pas malheureuse, elle aussi? Elle a volé en éclats. Les membres de la troupe ont été sommés de choisir leur camp. Il y a ceux qui ont cru sentir le vent de l'histoire, pauvres camarades, et il y a les autres, dont je suis, qui sont restés ici, dans ce théâtre. Je le sais bien, on nous suspecte. On n'aime ni les pièces que nous jouons, ni ceux qui viennent les applaudir. Nous ne sommes que des comédiens, pourtant. Nous n'avons ni fortune en poche, ni complot dans la tête. Nous aimons la nation, nous aussi. C'est-à-dire le public, tout simplement. Moi, c'est pour lui que je joue. Et pour elle. Elle que je vois chaque soir quand je viens saluer. Elle me paraît fort élégante. À sa place, je ferai attention. Juin 1792. Quentin de Villège, avec les autres comédiens qui n'ont pas rallié le nouveau régime, joue au Théâtre du Luxembourg, qui deviendra quelques années plus tard le Théâtre de l'Odéon. Une autre partie de la Comédie française a choisi la Révolution, s'est rebaptisée Théâtre de la Nation et s'est installée rue de Richelieu, dans un théâtre récemment construit. À cette époque, la France est encore une monarchie. Elle vit sous le régime de la Constitution de 1791, même si certains aimeraient aller plus loin, abolir la royauté, établir la République. Malgré les humiliations, Louis XVI tient bon. Mais depuis qu'il a été ramené de Varennes à Paris, un an plus tôt, alors qu'il tentait de fuir, il sait qu'on guette le moindre de ses faux pas. D'autant que la France a déclaré la guerre à l'Autriche en avril et que la reine Marie-Antoinette est appelée l'Autrichienne par ceux qui voient en elle à la fois le venin aristocratique et le poison de l'étranger. Dans son bureau, Joseph Lessoir, directeur du Théâtre du Luxembourg, interprète les événements à sa manière. Quel succès hier soir! Tu as entendu ces bravos, Quentin? Oui, Joseph. Avoir choisi Bérénice, cette histoire de princesse répudiée par un empereur qu'il aime à la folie, c'est une idée piquante par les temps qui courent, non? Si tu le dis. Un verre de champagne? Nous venons d'en recevoir encore 12 bouteilles. Toujours ce mystérieux expéditeur? Je te conseille d'en profiter avant qu'il nous l'interdise. Joseph, je suis inquiet. Je ne te cache pas que moi aussi, certains soirs, je ne me sens pas tout à fait tranquille. Combien de temps vont-ils encore nous laisser jouer? Allez, buvons pendant qu'il en est encore temps. Diriger une demi-troupe de comédiens que l'on dit royalistes, comme je le fais... Alors que nous n'aimons que le théâtre. Tu prêches un convaincu, Quentin. Mais il semblerait qu'il soit aujourd'hui impossible de ne pas choisir son parti. Or, que nous le voulions ou non, nous ne sommes pas dans le bon. Ah, tous ces mots qui veulent dire le contraire aujourd'hui de ce qu'il disait hier. Ce citoyen qu'on retrouve à toutes les lignes, et cette censure, et cette enflure... Rien n'est perdu, Quentin. Nos députés vont peut-être parvenir à s'entendre pour ne plus nous tracasser sans arrêt, pour aller à l'essentiel, pour défendre le pays. Joseph, qui est cette jeune femme assise tous les soirs à la même place, au premier rang? Ah, tu l'as remarqué. Comment ne pas la voir? Ses cheveux noirs, son allure souveraine, imperturbable... Et ses yeux? Je n'ai pas vraiment vu son visage. Un comédien amoureux d'une spectatrice, c'est le monde à l'envers. Oh, par les temps qui courent. Ne donne pas trop de corps à tes rêves, cependant. Son nom, Joseph. C'est une jeune aristocrate. Je ne t'en dirai pas plus pour l'instant. Joseph. Tu apprendras son nom si tu acceptes la proposition que voici. Je suis prêt à tout si tu me dis comment lui parler. Il y a, parmi les députés, un certain Lamourette, Adrien de son prénom. Un ecclésiastique, vicaire d'Arras et depuis l'an dernier, évêque constitutionnel de Lyon. Un modéré qui joue sur tous les tableaux. Ancien ami de Mirabeau. Mirabeau, l'orateur? Précisément. Mais l'orateur, comme tu l'appelles, n'a pas eu le temps, avant de mourir, de transmettre son éloquence à son ami, lequel, démuni comme un curé de campagne, a été poussé aux dernières extrémités. Ce qui veut dire? Lamourette, tiens-toi bien, est venu me voir ici même avant-hier afin de me demander de lui donner des leçons. Des leçons de vertu? Mieux. De théâtre? Des leçons d'élocution et de maintien. Pour commencer. Quoi, un député se lancer dans la comédie? Lamourette a une idée en tête. Il ne m'a pas dit laquelle, mais il veut frapper les esprits, créer la surprise. C'est pourquoi il a besoin de façon urgente d'apprendre à jouer au tribun, le bon apôtre. Que dirais-tu d'être son professeur, mon cher Quentin? Moi? En échange, et pour te remercier, je te donnerai le nom de ton apparition. Alors? Pour elle, je suis prêt à tout. Tu acceptes? Buvons. À l'art oratoire, je vais le transfigurer, ton Lamourette. Une semaine plus tard... Alors, cette Bérénice? La recette me dit qu'il y a du monde. Un triomphe soir après soir. Dommage que tu ne puisses pas encore marcher, tu serais édifié par les cris, les rappels, les fleurs. 10 jours après la première, c'est un exploit. Je ne sais pas si l'époque est avec nous, mais nous avons choisi la pièce qu'attendait le public. Et Quentin? Admirable, comme tu peux l'imaginer. Antiochus lui convient à merveille. Un rôle d'amoureux déçu. Au fait, je lui ai confié Lamourette. Il faudra prévoir de le payer pour ce petit travail supplémentaire. Quoi? Tu as... Qui d'autre que lui peut enseigner l'éloquence à notre cher député? Joseph, tu m'avais promis... Je ne t'ai rien promis du tout, Marguerite. Tu as confié cet abbé, ce pantin, à Quentin? Tu as mis le talent de ce garçon au service de la politique. Et doucement. Tu as trahi ton art, Joseph. Marguerite. Tu as trahi ton art comme tu m'as trahi moi-même en m'enfermant ici, dans ce bureau sordide, à vérifier les comptes de ta compagnie. Ne revenons pas sur ce sujet, veux-tu ? Ta blessure t'interdit de monter sur scène, tu le sais comme moi. Est-ce ma faute si un décor m'est tombé dessus, sans crier gare ? Je sais bien, mais... Mais quoi ? Tu joues très mal. Je joue mal. Moi. Tu m'en donnes une nouvelle preuve ici, là, maintenant, avec tes jérémiades. Je t'ai dit 100 fois qu'il valait mieux servir humblement le théâtre en s'occupant des comptes que de persister à jouer quand on n'en a pas le talent. Ce n'est pas ce que tu me disais quand tu m'as épousée. Oh, assez. D'ailleurs, Quentin et l'amourette en sont déjà à leur 3e leçon. C'est ça. Laisse-moi avec mes chiffres. Avec notre théâtre qui n'a plus un sou. Et va t'occuper de politique. Au revoir, Marguerite. Décidément, tu ne comprends rien à rien. Le perfide. L'odieux personnage. Me confiner entre ces 4 murs... Ah, j'aurais jamais dû le suivre. Quand je pense que Collot d'Herbois me faisait la cour autrefois, c'est lui que j'aurais dû épouser. Un bel esprit, celui-là. J'ai toujours aimé ses comédies, sa façon de jouer. Et aujourd'hui, il est du bon côté. Il fait partie de ceux qui décident et non pas de ceux qui tremblent. Au lieu de quoi, je me suis mariée avec ce gagne-petit qui n'a réussi qu'à m'humilier. Et cette jambe qui me fait mal. Ah, dès que j'irai mieux... J'irai voir Bérénice, et j'applaudirai Quentin, et je lui enverrai des baisers, et puis je rejouerai avec lui. Quentin, Quentin, tu es encore plus beau que Collot, toi, et tu es plus jeune. Quentin. À l'Assemblée, face aux feuillants qui restent partisans du roi, constitutionnels et jacobins s'opposent violemment. Les premiers défendent les acquis de la Révolution, les seconds prônent la fuite en avant. Or, l'ennemi est aux frontières, la patrie est en danger. Comment surmonter les divisions politiques et se charger de maintenir l'essentiel, c'est-à-dire l'intégrité du pays ? Le député Adrien Lamourette a son idée sur la question. Continuez, monsieur l'abbé, continuez, comme ceci. Toujours avec le ventre. Il s'agit de maîtriser ce qu'on appelle le souffle rythmé. Allez-y. C'est bien, mais il faut projeter davantage. Maintenant, quelques sirènes comme nous avons fait hier. Plus longue la sirène ? C'est que j'ai plus de souffle, moi. Et justement, je fais tout pour vous en donner. Ouais. Allez-y, utilisez votre piston. Jeune homme, vous vous adressez à un homme d'église. Je vous parle de votre diaphragme. Il est essentiel d'augmenter votre dynamique abdominale. N'oubliez pas que le souffle est le seul moteur de la voix. Je n'oublie pas. Allez-y. C'est bien. Avant de passer à autre chose, nous allons faire claquer la langue, comme ceci. À vous. Encore une fois. Il y a 17 muscles dans la langue, savez-vous ? Je l'ignorais. Allez, une dernière fois. Bien. Reposez-vous un instant. Ouf. Bon, nous allons commencer à répéter le discours que vous prononcerez à l'Assemblée. Vous l'avez entièrement écrit, c'est très bien. Mais il faudra vous en détacher, comme si vous regardiez chaque député dans les yeux. Votre crédibilité est à ce prix. Oui, mais comment... Je suis là pour vous enseigner la méthode. Je vais lire le début de votre texte, puis vous essayerez à votre tour, toujours en soignant la respiration et la projection. Écoutez bien. Citoyens, si j'ai pris l'initiative de monter à cette tribune, c'est que l'heure est grave. C'est que la patrie est en danger. Citoyens, il est temps de nous ressaisir face à la désunion de notre assemblée. Vous me suivez ? Oui, oui. Je continue. Une partie d'entre nous prête à l'autre le dessein séditieux de renverser la monarchie et d'établir la République. Et celle-ci prête à la première... la volonté de remettre en cause la Révolution. Pendant ce temps, l'ennemi est à nos portes. Je vous le dis, citoyens, il est urgent de foudroyer autant l'esprit d'anarchie que l'esprit féodal et de nous jurer une fraternité réelle. À vous maintenant. Allez-y, citoyens. Citoyens, si j'ai pris l'initiative de monter à cette tribune, c'est que l'heure est grave. C'est que la patrie... est en danger. Tenez-vous droit, la posture est essentielle. Plus droit. Voilà. Oui. Et le regard, regardez devant vous. Bien. Voilà, reprenez. c'est que la patrie est en danger. Citoyens, il est temps de nous ressaisir face à la désunion de notre assemblée. Relâchez les tensions dans les épaules. Faites jouer des résonateurs. Oui. Une partie d'entre nous prête à l'autre le dessein séditieux de renverser la monarchie et d'établir la République. Et celle-ci prête à la première la volonté de remettre en cause la Révolution. Pendant ce temps, l'ennemi est à nos portes. Pensez à votre auditoire, il est vaste, il faut le subjuguer. Pendant ce temps, l'ennemi est à nos portes. Pendant ce temps, l'ennemi est à nos portes. C'est bien, c'est mieux. Bravo, monsieur Lamourette. J'ai l'impression que vous êtes un élève doué. Ce jeune homme, citoyen directeur, est un pédagogue hors pair. Je ne fais moi que suivre ses préceptes. Monsieur l'abbé est beaucoup plus qu'un élève. Je l'imagine très bien retournant l'assemblée d'un seul coup d'un seul. Pour l'instant, j'aimerais simplement rappeler nos députés à la raison. Les leçons de Quentin portent leurs fruits. Le 7 juillet 1792, Adrien Lamourette monte à la tribune de l'Assemblée, réuni dans la salle du manège, non loin des Tuileries. Là, il entame un vibrant discours dans lequel il exhorte les députés à unir toutes les forces de la France face à l'ennemi. Sa voix, ce jour-là, est tellement pleine de chaleur et son expression tellement persuasive que les députés promettent d'oublier leurs querelles. Tous se lèvent et tombent dans les bras les uns des autres en jurant de se mettre au seul service de la patrie. C'est la scène dite du baiser Lamourette. Scène de théâtre imprévue, où certains témoins ne voient qu'une effusion sans lendemain, une idylle un peu trop sentimentale, alors que le bon sens politique devrait seul gouverner les esprits. La Constitution, chers concitoyens, la Constitution, que ce soit là notre cri de triomphe et le centre de ce ralliement universel. Quelques jours plus tard, d'ailleurs, l'insurrection reprend. Et le 10 août, au son du tocsin, les Tuileries sont prises d'assaut. Louis XVI est arrêté avec sa famille. Quentin, lui, est préoccupé par un tout autre fantôme. Voilà deux soirs que je ne l'ai pas vu. Sa place au premier rang est vide. Mais si je ferme les yeux, son image m'apparaît. Elle doit avoir les yeux bleus. Quand elle applaudit, on dirait un papillon. Et quand elle se lève, elle glisse, elle tourne, elle danse. Et si tout n'était qu'illusion? Tu as bien travaillé, Quentin, je ne le dirai jamais assez. Et Lamourette a bien fait de m'encourager à venir l'écouter à l'Assemblée. Vraiment, tu aurais dû m'accompagner. Tu sais très bien que ce type de spectacle me hérisse. Si tu avais entendu notre élève, métamorphosé, son appel à la Constitution, à la Concorde, et tous ces députés qui se lèvent, qui s'embrassent, les lèvres qui claquent sur les joues, la poudre qui s'échappe des perruques. Ah, le pouvoir d'une simple voix quand on sait en jouer. Tu es sérieux? Avec le roi emprisonné à la tour du temple, le baiser d'Amourette me semble bien loin. Joseph, j'ai l'impression que les arrestations vont se multiplier. Ces deux derniers jours au théâtre, je ne l'ai pas vue. Mon inconnue du premier rang? Oui. Et si elle était en danger? Dis-moi ce que tu sais d'elle, Joseph. Tu me l'as promis. Elle s'appelle Lucille de Chateaubriand. C'est la sœur d'un gentilhomme breton qui s'est enfui à Coblence il y a un mois. La sœur d'un émigré? Il faut que je la prévienne, elle doit quitter Paris au plus vite. Joseph, son adresse? Elle habite le petit hôtel Villette, impasse des Prêtres, dans la rue Férou. J'y cours. Mon Dieu, faites que j'arrive à temps. Quelque chose me dit qu'on va jeter Lucille au fond d'un cachot. Porter une particule. Voyons, la rue Férou est à deux pas. C'est ici. Maintenant, l'impasse des Prêtres. L'hôtel Villette est au numéro 7, tout au bout. Nous y sommes. L'endroit paraît étrangement calme. Pourvu que... La maison semble fermée. Elle est fermée, en effet. Que dites-vous? Tous les habitants ont fui. Tous? Sans exception. Lucille a quitté Paris avant-hier. Mais... Elle est partie pour la Bretagne. La Bretagne? À Fougères, chez sa sœur, Madame de Farcy. Comment savez-vous? Je sais tout. Je vous connais aussi, Monsieur de Village. Et votre théâtre, et votre patron. Qui êtes-vous? Celui par qui le champagne arrive. Celui ou celle? Choisissez. Je m'appelle Camille. Camille? Un bon conseil. Quittez Paris sans attendre, vous aussi. Le mois de septembre devrait être cuisant. Arrêtez de parler par énigme. Attendez, non, ne partez pas. Attendez. Adieu, Quentin. Rendez-vous en Bretagne. Quel est ce messager tombé du ciel? On m'avait donc suivi. On espionne mes faits, mes gestes, mes pensées. Mais qui? Et pourquoi? Lucille est partie pour Fougères, soit. Mais cette Camille qui prétend tout savoir, qui nous connaît, et c'est elle qui nous fait livrer ces bouteilles? Elle, ou bien lui? Encore une histoire de travestissement. Oui, mais cette fois, il s'agit de la vie. Et Paris n'est pas un décor. Il faut que j'aille prévenir Joseph, puis je retrouverai Lucille et je la mettrai à l'abri. Quentin? Ah, bonsoir Marguerite. Joseph n'est pas là? Non, il est à l'Assemblée. Adrien Lamourette l'a appelé en catastrophe. J'ai l'impression que tes leçons n'ont pas servi à grand-chose. Le baiser Lamourette, quelle blague. À quelle heure Joseph va-t-il revenir? Il ne va pas tarder. Reste ici, avec moi. Il faut partir, Marguerite. Partir? Sans tarder. Depuis l'arrestation du roi, le climat est de plus en plus délétère. Le théâtre risque d'être fermé d'un jour à l'autre, et nous tous d'être mis sous les verrous. Calme-toi, Quentin. Je suis là. Je saurai les apprivoiser. Je saurai te protéger contre tous. Il faut que je parte, moi, quoi qu'il advienne. Quentin, je ne te verrai plus. Toi qui es si beau quand tu joues Antiochus. Marguerite, crois-tu qu'il soit possible de déplacer le théâtre quelque temps loin d'ici? En Bretagne, par exemple. En Bretagne? Oui. Enfin, après tout, pourquoi pas? Écoute, Joseph a fait rendez-vous à 5h avec Lamourette. Il ne sera pas de retour avant 1h, 1h30. Avec tous ces contrôles dans les rues, les barrages qu'il y a un peu partout. Aïe! Que se passe-t-il? Ma jambe me fait encore mal, Quentin. Je souffre d'un syndrome des loges. Une maladie maçonnique? Mais non. Quand les muscles ont subi un choc violent, ils gonflent et menacent de faire éclater les loges dans lesquelles ils sont installés. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'empêche de remonter sur scène. Car je suis comédienne, tu le sais, Quentin. Oui. J'ai été acclamée, on m'a vénérée, adulée. Mon plus beau rôle, c'était Phèdre. Ah. Je suis encore belle, non? Reste ici avec moi, Quentin. Tu parleras plus tard avec Joseph de la Bretagne, de tout ce que tu veux. Le temps presse. On étouffe ici. Plus tard, Quentin. Plus tard. Tu as raison, je vais attendre Joseph. Quentin. Quentin. Une fois Louis XVI suspendu de ses fonctions, la rumeur d'un complot aristocratique se répand dans Paris. Marat exhorte le peuple à se prémunir de ses ennemis, dont on ne fait rien pour arrêter le soulèvement qui se prépare. Du 2 au 6 septembre 1792, plus de 1000 détenus politiques sont massacrés par la foule déchaînée. C'est l'épisode des massacres de septembre. Le 21 septembre, la guillotine est déclarée permanente, on ne la démontera plus. Le lendemain est proclamé l'an 1 de la République. Le 21 janvier 1793, le roi est guillotiné. Entre-temps, la moitié des comédiens du Luxembourg, et parmi eux Joseph Le Soir et Quentin de Villège, sont partis sur les routes. La caravane s'épuise pendant quelques mois et finalement échoue à Rennes, où l'atmosphère n'est guère plus respirable. Les murs ont des oreilles. Un soir d'octobre 1793, dans une auberge, Joseph explique à Quentin qu'il est temps pour leur théâtre, ou pour ce qu'il en reste, de se saborder. Tout est plus grave que je l'imaginais, Quentin. Depuis l'exécution du roi, les écluses lâchent l'une après l'autre. Qui t'a prévenu? On m'a envoyé des bouteilles de champagne. Encore? Dans la caisse se trouvait un billet qui disait simplement « Fuyez ». Je ne sais pas s'il s'agit de notre ange gardien, mais celui qui prend soin de nous me paraît de bons conseils. Je vois. J'ai demandé son avis à Lamourette par l'intermédiaire d'un indicateur complaisant. Il m'a aussitôt prévenu qu'ici, à Rennes, on nous interdira de jouer, même si nous reprenons Charles IX, la pièce qui était à la mode en 89 à Paris. Nous sommes suspects, Quentin. Ce qui veut dire? Qu'il est urgent de mettre la clé sous la porte. Chacun fera comme il pourra. L'idée semblait bonne de quitter Paris pour la Bretagne afin de pouvoir gagner facilement l'Angleterre. Je me rends compte aujourd'hui que c'était une vue de l'esprit. Rien ne nous empêche de jouer là-bas. Bérénice devant les Anglais? Non, devant les Français qui vivent à Londres. Il paraît qu'ils sont plusieurs milliers. Tu crois qu'ils ont les moyens d'aider à vivre une caravane de mendiants? Il paraît qu'à Coblence, le prince de Condé est en train de réunir une armée prête à sauver la France. Faribole. Ce qu'il nous faudrait, c'est un toit dans un pays ami, ou au moins l'assurance de jouer un certain temps de ville en ville. Mais pour quel public? Une tournée ne s'improvise pas, Quentin, surtout à l'étranger. Il faut être annoncé, attendu, accueilli. Non, j'ai bien réfléchi à la question. Crois-moi, le plus sage est de nous disperser. Nous nous retrouverons quand la France aura renoncé à ses folies. Nous séparer, toi et moi? Si tu veux, nous pouvons aller à Saint-Malo et prendre le bateau ensemble jusqu'à Portsmouth. Ensuite... Il faut d'abord que j'aille à Fougères. Toujours ta Lucille? Elle n'est pas venue une seule fois au théâtre depuis que nous sommes à Rennes. Soit, fais comme tu voudras. Adieu, Joseph. Adieu, Quentin. Si Dieu le veut, rendez-vous à Paris. Tu l'as laissé partir. C'est mieux pour lui, Marguerite. C'est mieux pour nous tous. Tu l'as laissé partir et tu vas partir à ton tour. Oui, Marguerite. Nous aussi, nous allons partir. Le théâtre du Luxembourg n'existe plus. Ni à Paris, ni à Rennes, ni ailleurs. Fini, pulvérisé. Et tu crois peut-être que je vais t'accompagner? Tu crois que je vais fuir avec un lâche? Avec un traître? Si tu ne pars pas avec moi, Marguerite, on t'accusera d'être une femme démigrée. Jusqu'à présent, je restais par fidélité au théâtre. Maintenant que le Luxembourg est mort, comme tu me l'annonces, sache que plus rien ne nous lie. J'ai assez souffert à cause de toi. Mais ta jambe? Elle va mieux. Le bon air de la campagne. Je vais prendre la poste pour Paris. Je vais redevenir comédienne. Je te préviens, Marguerite, si tu rentres à Paris, tu seras suspecte sur le champ. On t'obligera à divorcer. C'est exactement ce que je souhaite. Je connais quelqu'un qui pourra m'aider à reprendre ma carrière. Fougères, enfin. La rue n'est pas très loin. J'ai l'impression de me retrouver à Paris quand j'avais peur pour elle, quand je la cherchais. Lucie, où êtes-vous? Lucie, voici l'hôtel de Farcy. Fermé. Lucie. Une seconde fois perdue. Et qu'on ne me dise pas qu'elle est repartie pour Paris. Lucie a été arrêtée. Quoi? Des sans-culottes l'ont emmenée au château, en bas de la rue Pintry. Demain ou après-demain, elle sera transférée à Rennes. Mais comment? Mais pourquoi? Marie-Antoinette a été exécutée tout à l'heure. La reine? La reine, oui. Le temps sort de ses gonds. Mais vous-même, pourquoi vous trouvez-vous toujours sur mon chemin? Vous êtes bien candide. J'ai été chargée par le comité de sûreté générale de veiller à ce que vous ne fassiez rien qui aille contre l'intérêt du peuple ou de la patrie. À dire vrai, c'est moi qui me suis portée volontaire pour vous surveiller, car j'aime le théâtre, voyez-vous, et j'ai horreur de la nouvelle rhétorique à la mode. Avouez que vous pouviez plus mal tomber. Et pourquoi ce déguisement? Parce que notre siècle est celui du travestissement. Parce que je pratique la mise en scène, le maquillage, les faux-semblants. Parce que j'aimerais que cette révolution fût un simulacre. Parce que j'ai envie de tromper tout le monde, et surtout les guillotineurs. Parce que j'ai adoré entendre 20 ou 30 fois Bérénice debout contre une porte, au fond de la salle, à Paris, puis à Rennes. J'ai toujours éprouvé de la bienveillance pour le théâtre du Luxembourg. Qui se sabordait devant la menace. J'ai fait tout ce qui était possible. Le billet parmi les bouteilles de champagne, c'était vous? Devinez. C'est moi qui ai exhorté Lucille de Chateaubriand à fuir de Paris. Oui, et c'est encore moi qui vous ai suivi jusqu'ici pour vous dire d'aller n'importe où, mais de quitter la France. Mais Lucille, pourquoi a-t-elle été arrêtée? Je la croyais à peu près en sécurité en Bretagne. Mais la province imite sottement la capitale. Sœur d'un émigré, je ne vous fais pas un dessin, je n'ai rien pu pour elle. Et aujourd'hui? Je crains qu'elle court un grand danger, à moins que son frère revienne d'Angleterre en catastrophe, mais ce serait lui, dans ce cas, qui serait dans une position intenable. La révolution est une ogresse. Tous les comédiens restés à Paris ont été condamnés à mort. Seule la troupe du Théâtre de la Nation a été épargnée. Pauvres comédiens, eux qui n'aimaient que jouer. Il y en a un parmi ceux qui sont du bon côté, qui a pris son rôle très au sérieux et vous poursuit de son ressentiment. Vous, Joseph, et ceux qui sont partis pour la Bretagne. Son nom? Colo d'Herbois. Colo? J'ai joué avec lui autrefois. Ce n'était pas le plus mauvais d'entre nous. Il a même écrit 2 ou 3 comédies fort plaisantes. Vous savez, Fabre d'Églantine a beau être l'auteur d'Île Pleubergère, ce n'est pas le moins féroce des accusateurs. Moi qui leur croyais d'âme tendre. La France ne vous veut aucun bien. Alors, que décidez-vous? Il faut sauver Lucille. Je vous l'ai dit, nous ne pouvons rien pour elle. Pensez d'abord à vous. Et cet abbé, l'amourette, il suscitait tous les espoirs. Un feu de paille! N'a-t-il pas réussi à réconcilier des bords les plus opposés? À redonner confiance au pays? C'était il y a un an. Je le connais. Je lui ai appris à argumenter. Je suis sûr qu'il peut nous aider à libérer Lucie. Je n'en crois rien. Je vais aller à Paris, lui parler. À votre place, je ne m'y risquerai pas. La reine n'est plus. Lucille sera ma reine. Je dois tout essayer pour elle. Vous courez au sacrifice. Ce sera mon meilleur rôle. Attention à l'emphase, Quentin. Je ne crains ni les situations, ni les mots. Soit. Après tout, monter sur scène ou sur l'échafaud, quelle différence. D'ailleurs, on m'attend moi aussi à Paris. Je vous accompagne. Si on nous interroge en cours de route, j'expliquerai que je vous ai surpris au moment où vous alliez traverser la Manche. Si nous arrivons sans encombre, je vous cacherai en lieu sûr. Puis j'irai aux nouvelles. Je vous dirai s'il est raisonnable ou suicidaire d'aller voir l'amourette. J'irai quoi qu'il advienne. C'est qu'il vous tient à cœur votre dernier rôle. Hiver 1793. À Paris, la terreur bat son plein. Un conseil exécutif gouverne sous la surveillance du comité de salut public. Rue de Richelieu, le Théâtre de la Nation a pris le nom de Théâtre de la République et joue les pièces qui ont l'assentiment du régime. Revenu à Paris avec Quentin, Camille a caché le jeune comédien dans une cave pour le protéger des milices de patriotes qui voient des ennemis partout. Quentin attend fébrilement son retour afin de savoir où trouver l'amourette et comment lui demander conseil pour sauver Lucille. Mais Camille arrive avec de mauvaises nouvelles. Catastrophe. Qu'avez-vous appris ? Le soir est revenu à Paris avant de s'embarquer pour l'Angleterre, avec l'espoir ridicule de convaincre sa femme de le suivre. Or, elle avait pris les devants, elle avait divorcé sans attendre qu'on le lui ordonne. Puis ? Elle a dénoncé le soir. Elle a osé. Elle vit avec Collot d'Herbois, qui l'assure de sa protection et lui a promis de l'aider à remonter sur scène. Quelle révolution de médiocre. Et l'amourette ? Arrêté lui aussi, à Lyon, sur l'ordre de Collot qu'il avait envoyé là-bas pour mater les réfractaires. N'importe qui peut être victime d'un retournement de situation. Le soir, l'amourette, où sont-ils ? À la prison du Luxembourg. Et Lucille ? Toujours à Rennes, à la Tour-le-Bas. Il est plus que temps de fuir, Quentin, cette fois pour de bon. Au moins, puis-je rendre visite à Joseph, mon maître, mon ami ? C'est demain Noël, je ne peux pas l'abandonner alors qu'il est dans les chaînes avec les rats et les cloportes. Je vous le déconseille. Vous ne pouvez rien non plus pour lui. J'irai, néanmoins. À votre aise, je vous aurais prévenu. C'est ici, citoyen, cellule 77 de la prison du Luxembourg. Quentin ? Joseph, j'ai tout appris. Ce jeune homme est inconscient. Monsieur le député. Vous risquez votre vie. Venir jusqu'ici parler avec des condamnés comme nous. Ce soir, c'est Noël. Et puis, pour eux, c'est une fête qui ne compte pas. Quentin, le citoyen Lamourette a raison. Tu es fou d'être venu ici. Tu parles comme eux désormais. Je joue leur jeu, voilà tout. C'est le premier mot du texte que vous me faisiez travailler. Rappelez-vous. Citoyen, si j'ai pris l'initiative, etc., etc. Mais ces beaux discours ne peuvent plus servir à rien. Le grand rasoir s'impatiente. Qu'avez-vous fait, vous ? Le réconciliateur, pour qu'on vous conduise à la mort. Comment savoir ? À moins qu'il faille me punir d'avoir voulu réconcilier, comme vous dites. As-tu des nouvelles de Lucille, Quentin ? Arrêté, comme tout le monde. Emprisonné à Rennes. Quand je pense que j'espérais vous demander de l'aide, monsieur l'abbé. Il n'y a plus rien à espérer en France. Quentin, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus de lieu où l'on puisse se réfugier. S'il pouvait guillotiner Dieu lui-même, il n'hésiterait pas. Fuis, Quentin, fuis. L'amourette a raison. Non, il reste une dernière chance. Le temps est passé, citoyen, il faut sortir. Si j'arrivais à persuader Collot de les libérer, mais il faut d'abord que je trouve Marguerite. Citoyen ! Que me veut-on ? Ordre du comité de salut public, citoyen. Mais... Vous êtes en état d'arrestation, suivez-nous. Prisonnier, depuis 4 semaines, sans qu'on m'ait accusé de rien. Et le roi a été exécuté il y a 1 an, jour pour jour. Je voyais la prison du Luxembourg de ma loge. Qui aurait cru que je m'y retrouverais un jour ? Et Lucille, comment la sauver ? Mon Dieu, comment ? Une visite pour vous, citoyen. Quentin. Marguerite ? C'est ma faute, Quentin. C'est moi qui t'ai fait arrêter. Qu'ai-je fait ? Mais qu'ai-je fait ? Pourquoi venir me voir dans ce cachot ? Pour te sauver, Quentin. Et Joseph ? Et l'amourette ? L'amourette a été exécutée hier. Le soir, si tu y tiens, je peux aller le voir et le sauver avec toi. J'ai un sauve-conduit. Un cadeau de Collot, c'est ça ? Qu'importe maintenant. Viens vite, le temps presse. Le soir est à 2 pas. Allons-y. Joliet ! Citoyenne ? Conduisez-nous dans la cellule de mon ex-mari. Bien, citoyenne. Suivez-moi. Nous y sommes, citoyenne. Marguerite, Quentin ? Joseph, il est encore temps. Que fais-tu ici avec elle, Quentin ? Nous sommes là pour te sauver. Quentin, c'est à toi que je parle. Marguerite est venue me voir dans mon cachot. Elle m'a persuadé de l'accompagner pour que tu aies la vie sauve. Vraiment ? La grâce de Quentin est entre mes mains, et la tienne aussi. Colo est prêt à vous aider à passer en Angleterre. Quel nom as-tu dit ? Colo. Colo d'Herbois. Ce pitre, ce faiseur. Je croyais que tu visais plus haut, Marguerite. Joseph, j'ai eu tort. Je me suis fait des idées sur toi, sur lui. Et sur d'autres, n'est-ce pas ? Je te demande pardon. Comme tu joues mal, Marguerite. Joseph. Je ne me ferai jamais à l'idée que la politique dicte sa loi au théâtre. Joseph. Je n'accepterai jamais d'être sauvé par celle qui m'a perdu. Joseph, tu préfères ton orgueil à ta vie ? Jusqu'au bout, tu seras un monstre. Et toi, Quentin, tu pourrais faire confiance à cette femme ? Quentin, ne l'écoute pas. Sauve-toi avec moi. Je reste avec Joseph. Quentin, mais tu vas être condamné, toi aussi. Tu vas mourir. Tu vas... Les héros ne sont plus sur la scène. Et moi, dans cette histoire ? L'avenir est un trou noir. En 1792, la comédie française dans la Révolution de Christian Vasselin avec Hugues Duchesne, Quentin de Villège, Sébastien Poudereau de la comédie française Joseph Le Soir, Gilles David de la comédie française Adrien Lamourette, Chloé Chevalier Marguerite, Andréa Brusque Camille, Mathieu Rocheverger Le Geôlier, Aurélien Ozinski Le Fonctionnaire de Police et les voix de Mathieu Genet et Élise Aubé. Prise de son, montage et mixage, Frédéric Changenet, Bastien Varigaud et Félix Nicoulot. Bruitage, Elodie Fiat. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur la comédie française dans la Révolution avec mon invité, l'historienne de théâtre, Hélène Tirchamp. Estimé content d'encore dégager quelques excédents. Eux sillonnent le continent de long en large, recherchent une place dans le sens de la marche. L'essence du pays échappe, l'histoire la rattrape, l'exode les happe. S'étale sur plusieurs années. Au milieu aval, la Méditerranée. Combien de temps François, The Atlas Mountain, grand dérèglement sur France Inter, dans Autant n'importe l'histoire, une émission réalisée par Michel Billoux, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale, Djoubaka, à la technique, Lucas Vaillant, Hélène Tirchand, l'histoire de Quentin qu'on vient d'entendre avec le soir, Marguerite, la mystérieuse Camille, tout ça est totalement imaginaire, hein, mais le cadre historique, lui, est bien vrai, le baiser, l'amourette a bel et bien existé, l'amourette a bien été exécutée. Mais pour en revenir à la Comédie française, on voit qu'elle n'a pas échappé aux passions révolutionnaires, et ça dès 1789. Oui, alors ils ont fait entrer à la Comédie française Le Loup dans la Bergerie. En 1789, on nomme sociétaire un comédien qui s'appelle François Talma, qui a 24 ans et qui arrive tout droit d'Angleterre où son père s'est établi comme dentiste. Et ce comédien a une envie, c'est de révolutionner la Comédie française avant la Révolution. Un excellent comédien. Excellent comédien. Il a été formé à l'école de Shakespeare et il trouve que ce qu'on joue, ce répertoire, est très poussiéreux. Donc, dès 1789, il va vouloir introduire à la Comédie française des costumes plus modernes, des costumes historiques, et il faut vous dire que à l'époque, les comédiens avaient le droit de choisir leurs costumes. Ils les payaient et ils venaient généralement, ils faisaient assaut de crinoline, de cuirasses dorées, de plumes, ils étaient grimés. Et Talma arrive sur scène pour jouer un tout petit rôle, il débutait, donc on lui a donné 15 lignes, et il arrive en toge, jambes nues et avec des cothurnes. Sa partenaire le traite de cochon tout en lui donnant la réplique, et après on ne le distribue plus. Ça se passait en 89. Donc Talma, furieux, décide en 1791 de quitter la Comédie française et de partir sur la rive droite, dans la salle Le Nouveau Théâtre. Ah, c'est pas qu'une histoire personnelle, c'est quand même une histoire politique. En 1789, donc les comédiens, on l'a dit, deviennent des citoyens comme les autres d'abord, et puis ils sont sommés par les révolutionnaires de jouer des pièces qui vont dans le sens de la Révolution. Donc il y a quand même, après la censure royale, arrive une autre forme de censure. On leur fait jouer toutes les pièces qui ont été interdites. Et en particulier, une pièce qui s'appelle Charles IX, ou l'école des rois, et ce Charles IX avait été interdit par Louis XVI parce qu'il montrait la collusion du roi Charles IX au moment de la Saint-Barthélemy avec l'Église. C'était si bien révolutionnaire qu'aucun des sociétaires n'a voulu jouer le rôle du roi. Et en désespoir de cause, on a programmé Talma, qui lui a accepté, ça a été son grand rôle. Et il a été d'ailleurs très applaudi. Il faut dire que cette pièce était d'un certain Marie-Joseph Chénier, qui était révolutionnaire, et qui était le frère de André Chénier, du poète, qui lui va gémir dans les prisons et être guillotiné. Oui. Donc en 1791, il y a une séparation, on l'a entendu dans la fiction, une séparation entre les comédiens de la Comédie française. Il y a une partie les plus modérés qui reste à l'Odéon, ce qui va devenir l'Odéon, et l'autre partie qui va se déménager au théâtre dit de la République, au Palais Royal, dans le quartier où est la Comédie française aujourd'hui. Absolument. Alors, ce qui est amusant, vous avez parlé dans votre introduction des drapeaux noirs et rouges de mai 68. De mai 68. Les gens qui sont restés, les comédiens qui sont restés à l'Odéon, on les appelait des noirs. Pourquoi des noirs? Parce que la cocarde autrichienne était noire. Et les gens qui sont partis sous l'égide de Talma au Palais Royal sont appelés des rouges. Allusion au drapeau rouge et au bonnet phrygien. Ces deux groupes vont avoir des destins tout à fait différents. Les rouges, avec Talma, vont jouer des pièces tout à fait révolutionnaires, tout le répertoire de Marie-Joseph Chénier, Caius Gracchus, Mucius Scaevola, etc. Donc, ils vont être dans le sens de la révolution et de l'histoire, tandis que les noirs vont jouer la carte de la prudence, jouer des comédies, et monter même des pièces anti-révolutionnaires au moment du procès du roi, en janvier 1793. Il monte une pièce qui s'appelle « L'ami des rois », avec deux personnages, Duricrane et Nomophage, le bouffeur de loi et le tape-dur. Et ces deux, c'est la caricature de Marat et de Robespierre. Et en août 1793, ils vont jouer une œuvre en apparence insignifiante, Paméla ou la vertu récompensée, où deux vers vont choquer les robespierristes. Les persécuteurs sont les seuls condamnables et les plus tolérants sont les plus raisonnables. Des vers qui vont coûter la liberté aux comédiens. Et ils vont être emprisonnés. Les Jacobins qui les dénoncent, qui sont dans la salle, les dénoncent et ils sont arrêtés dans la nuit même. 26. Donc là, on est le 3 septembre 1793. Dans la nuit, ils sont arrêtés. Talma réussit à sauver 11 d'entre eux. 26 sont arrêtés. Il réussit à en sauver 11 qu'il l'emmène dans son théâtre de la République au Palais Royal. Les autres sont emprisonnés. Est-ce qu'ils sont menacés de guillotine ? Ils sont menacés de guillotine, mais ils vont être sauvés par un comédien qui s'appelle Charles Labussière, qui est au comité de salut public et qui va retirer leur dossier. Et toutes les nuits, il va se baigner dans la Seine et il jette les dossiers de ses comédiens. Et ils vont être sauvés. C'est un certain Charles Labussière. Et juste une chose, Collot d'Herbois, ce personnage dont on entend parler dans la fiction qu'on vient d'entendre, a réellement existé. Il a existé, il a été un acteur, il a même joué à Lyon. Et comme il a été sifflé à Lyon, quand il est devenu révolutionnaire et représentant en mission à Lyon, il va se venger cruellement contre les fédérés. Devenir le bourreau de Lyon. Le bourreau de Lyon. Et il sera accusé pour ça et déporté à la Guyane. Il va mourir en 1796 à la Guyane. Alors, quand est-ce que la Comédie française va renaître de ses cendres après cette période trouble de la Révolution ? Simplement en 1799, c'est l'auteur de Paméla, François de Neufchâteau, qui est devenu Premier ministre, ministre de l'Intérieur, et qui va reconstituer la troupe, mais en donnant raison à Talma, puisque la nouvelle Comédie française réunifiée va s'installer dans le théâtre du Palais Royal, rue de Richelieu, la future salle Richelieu, et va jouer le répertoire que Talma avait mis à la mode, c'est-à-dire des Shakespeare, des Corneille, sous l'égide de Bonaparte, le directeur du directoire. Dans la salle Richelieu, où elle est encore aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup Hélène Tirchand. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le théâtre et sur le cinéma, et notamment La grande histoire de la Comédie française aux éditions Télémaque. Auteur n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Une émission à réécouter, bien sûr, à podcaster sur notre site franceinter.fr où, comme chaque semaine, j'attends avec impatience vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Je rappelle que la fiction que vous avez entendue ce soir peut également être écoutée en binaural avec un casque sur le site de l'émission sur franceinter.fr. De nouvelles sensations sonores garanties. Par ailleurs, si vous les avez manquées, vous pouvez aussi écouter les émissions des semaines dernières. Maria Callas, sa voix perdue, par exemple, ou Berthe Morisot, profession peintre, ou encore Jeanne de la Motte et l'affaire du collier de la reine. La semaine prochaine, nous partirons à la rencontre d'une artiste américaine, Isadora Duncan. En 1899, la jeune danseuse originaire de San Francisco, accompagnée de son excentrique famille, quitte les États-Unis à bord d'un cargo à bestiaux. Totalement inconnue, mais convaincue de sa modernité, la danseuse aux pieds nus va bientôt conquérir les scènes européennes et inventer la danse du XXe siècle. Pour en parler, je recevrai la scénariste Julie Birman. Isadora Duncan, la naissance d'une superstar, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais juste après le flash, bien sûr, vous avez rendez-vous avec Noël Bréham pour État d'esprit. Très bonne soirée.